me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les réfugiés érythréens sont-ils apparus aux frontières de l'Europe, entrant en première classe des demandeurs d'asile ces dernières années? Quelle est l'histoire du long exil des Érythréens, un exode longtemps régional en Afrique, dans les pays pauvres et voisins? Quel est leur rapport avec le Haut Commissariat aux réfugiés? Pourquoi les États mettent-ils à distance les flux migratoires? Comment tentent-ils de contourner la Convention de Genève, le droit d'asile? La crise des réfugiés apparaît aujourd'hui comme une crise de l'hospitalité. Nous poursuivons le questionnement des mouvements de population volontaires ou contraints dans le cadre du colloque du Collège de France « Migration, réfugiés, exil ». Hélène Thiollet, chargée de recherche au CNRS et professeure à Sciences Po, s'attache à l'histoire et au cas de l'exode érythréen. Dans un ouvrage collectif récent qu'elle a coordonné, « Migrants, migration, 50 questions pour vous faire votre opinion », elle note. En 2009, le rapport de l'ONU sur le développement humain rappelait que la catégorie de migrants la plus importante est celle des migrants internes, qui représenterait 740 millions de personnes. Pour les migrations forcées et les mouvements de réfugiés, la tendance est encore plus forte. 86% des déplacés par la violence dans le monde sont dans un pays pauvre, en général à proximité de leur région d'origine, voire à l'intérieur de leur propre pays. Longtemps, l'exil des Érythréens a été local et régional, d'un pays pauvre vers d'autres pays pauvres. Elle questionne le durcissement face à la Corne de l'Afrique, la fermeture progressive des filières d'émigration vers les pays riches. Elle nous montre comment l'exode et l'asile sont des phénomènes sociaux pluriels. En deuxième partie, Daniel Lochac, professeur émérite de l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, où elle a dirigé jusqu'en 2006 le master Droits de l'Homme ainsi que le Centre de Recherche et d'Études sur les Droits Fondamentaux, interroge le droit d'asile dans son histoire et dans son évolution récente, l'universalisme de façade et les faillites pour protéger les réfugiés, mais aussi les faux fuyants pour les refouler. Elle rappelle qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, la communauté internationale, confrontée aux problèmes posés par la masse des réfugiés fuyant les guerres civiles, les dictatures et les persécutions, tente d'y apporter des solutions. Mais la protection des réfugiés reste très largement tributaire des intérêts étatiques qui poussent au contraire à tenir à distance ces indésirables. Par une série d'artifices juridiques, nous dit-elle encore, les États s'efforcent de contourner l'obligation de non-refoulement et les autres obligations contraignantes des conventions internationales jusqu'à les vider de leur substance quand ils ne les violent pas ouvertement et frontalement. Daniel Lochac souligne encore « Malgré l'adoption de la Convention de Genève en 1951, la donne n'a pas fondamentalement changé en dépit de toutes les proclamations solennelles sur le caractère sacré du droit d'asile. » Celui-ci apparaît de plus en plus comme une coquille vide. Tandis que le nombre de réfugiés dans le monde s'est accru dans des proportions considérables, 24 millions en 2016, 65 millions si on inclut les personnes déplacées dans leur propre pays, les États occidentaux, uniquement préoccupés par la maîtrise des flux migratoires, tentent par tous les moyens d'empêcher l'accès de ces réfugiés à leur territoire où ils pourraient trouver protection. Et tout de suite, nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour retrouver Hélène Thiollet, Exodes et politiques d'asile, le cas érythréen, le 14 octobre 2016. L'idée de cette intervention est de partir d'un phénomène particulier, voire très particulier, c'est-à-dire l'exode des Érythréens depuis 1962 dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient pour discerner, encore une fois, c'est-à-dire proposer une lecture critique de quelques-unes des dynamiques globales de la migration forcée et des politiques de gestion de l'exil. Donc cette présentation implique, en guise de prolégomène, peut-être de rappeler comment les réfugiés érythréens sont apparus aux frontières de l'Europe. Ils étaient plutôt peu représentés dans les statistiques de l'asile en Europe, et les Érythréens ont atteint les premières places de demandeurs d'asile depuis deux ans, ces deux dernières années. En 2015, ils sont le premier groupe de demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, devant les Iraniens et les Pakistanais, en Suisse, devant les Syriens et les Afghans, et parmi les premiers groupes de demandeurs d'asile au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et à Malte. Il s'agit en tout de la deuxième nationalité de demandeurs d'asile arrivée sur les côtes italiennes en 2004, juste après les Syriens. Donc c'est une sorte d'épiphanie, peut-être, vous en avez sûrement le souvenir, une épiphanie qui a été macabre, mortelle, mais qui est assez récente. En effet, la mort de centaines de migrants et de demandeurs d'asile éthiopiens, érythréens, somaliens et djiboutiens à proximité des rivages de l'Europe du Sud ces dernières années a aussi attiré l'attention des médias et de la sphère politique vers des zones qui étaient jusque-là considérées comme marginales, voire totalement extérieures au champ migratoire européen. Les conditions de l'exil des Érythréens à travers le Soudan, l'Égypte, la Libye et la Méditerranée ont fait l'objet de dénonciations par des organisations internationales, des organisations humanitaires surtout, ont fait l'objet de documentaires, de reportages dans la presse, d'articles, et ce, depuis deux ans tout au plus. La littérature, par exemple, en langue française, est extrêmement pauvre quant à l'analyse du phénomène de l'exil en Érythrée et dans la Corne de l'Afrique en général, et ce, depuis un demi-siècle. Les conditions de vie en Érythrée et la nature du régime politique érythréen ont aussi parfois été évoquées dans la presse et dans l'espace public, mais ces récits et ces discours, qu'il s'agisse de discours médiatiques ou politiques, ont le plus souvent occulté les dimensions locales et régionales de cette migration forcée et son historicité. Les drames auxquels l'Union européenne a été confrontée depuis Lampedusa en octobre 2013 ne constituent en effet que la face visible pour le public européen, de dynamiques migratoires complexes et d'une histoire ancienne de l'exode. D'une certaine façon, l'exode érythréen n'est un fait social, au sens durkheimien du terme, qu'à partir du moment où il est perçu par le public, par les sociétés européennes, et construit comme une question de politique publique européenne. C'est un phénomène qui devient un problème européen et on commence à le percevoir comme tel, un problème sécuritaire, un problème migratoire, un problème humanitaire. Et c'est un peu de cet ethnocentrisme méthodologique que je veux tenter de me départir aujourd'hui pour regarder le cas érythréen comme un révélateur de tendances plus globales de l'exil et des politiques de gestion de la migration forcée à l'échelle internationale. Donc je vais commencer cette tentative de connexion entre le très particulier et le très général par une longue histoire de l'exode érythréen. Donc j'espère qu'elle ne sera pas trop longue en termes de minutes. En tout cas, elle est longue en termes de décennies pour le phénomène dont je veux parler. Pour commencer cette histoire, il faut d'abord dire que l'exil érythréen commence après l'annexion du pays par l'Éthiopie en 1962, son annexion formelle, et le début de la guérilla de libération érythréenne. Les Érythréens vont fuir tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, à la fois l'oppression politique de l'occupant érythréen, les combats entre la guérilla et l'État éthiopien, ou les conflits à l'intérieur de la guérilla, entre les différents partis et les différents fronts de libération, mais aussi ils vont fuir les crises économiques et écologiques qui sont aggravées par le contexte de guerre civile. Ils cherchent refuge essentiellement au Soudan, au Yémen, au Moyen-Orient en général, mais aussi en Éthiopie et au Kenya. Donc vous le voyez dans l'immédiat voisinage de la province érythréenne d'Éthiopie ou de l'Érythrée contemporaine. Si on regarde exclusivement le Soudan, on voit que en 1986, par exemple, selon le HCR, le Soudan accueille environ 800 000 Érythréens. Donc il s'agit de gens qui sont officiellement enregistrés, on peut supposer qu'ils sont plus nombreux, et on parle d'une population érythréenne total qui, à l'époque, doit être d'environ 3 millions de personnes. Donc, si on inclut les déplacés bénéficiant de statuts nationaux, ceux qui ne sont pas enregistrés auprès du HCR, ou régionaux d'asile, ou des résidents informels, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui en Europe des migrants irréguliers, c'est plus d'un tiers de la population érythréenne qui est hors de la province éthiopienne d'Érythrée dans les années 80. Soutenu par les pays arabes voisins, les partis de libération érythréens, dont la Ligue musulmane dans les années 50, puis les fronts de libération par la suite, vont s'implanter en Égypte, au Soudan, et négocier avec les pays qui les hébergent des politiques favorables à l'accueil de dizaines, voire de centaines de milliers de réfugiés. La bienveillance des pays de la Ligue arabe envers les guérillas érythréennes et ses exilés est le produit d'un activisme politique assez effréné, des intellectuels et des leaders politiques érythréens qui parviennent à faire accepter que la lutte pour l'indépendance de l'Érythrée est une lutte arabe, voire pan-arabe, que c'est une lutte musulmane contre un ennemi africain et chrétien, l'Éthiopie. Bien sûr, ça ne correspond pas à la réalité ethnographique ou socioculturelle des deux pays, qui sont tous les deux autant chrétiens que musulmans et autant africains qu'arabes, mais c'est la construction de cette représentation qui permet aux Érythréens d'être accueillis avec tout un tas de statuts parfois très hétérodoxes dans la région, au Moyen-Orient. Donc c'est un véritable régime privilégié de circulation et d'installation qui s'établit pour les Érythréens et qui va de la Libye à l'Irak en passant par le Soudan et le Yémen voisin. En dépit du fait que les États de la Ligue arabe ne sont pas signataires de la Convention de 1951, nombre d'entre eux accueillent en effet les Érythréens souvent comme migrants, parfois comme réfugiés arabes avec des statuts ad hoc, à l'instar des Palestiniens au Proche-Orient par exemple. Et les Palestiniens sont effectivement accueillis sous l'égide d'un protocole plus formel, qui est le protocole de Casablanca, signé par les membres de la Ligue arabe. On voit que cet accueil facilité se passe en Égypte, au Yémen, mais aussi en Irak, voire dans des pays qui ne disposent pas du tout de cadre juridique pour l'accueil des réfugiés, comme l'Arabie saoudite, qui dans les années 80 va faciliter l'entrée des Érythréens avec tout un tas d'exemptions de procédures d'immigration, en accueillant les Érythréens comme des migrants de travail, sur la base d'un décret royal. Donc on parle ici, il faut préciser, d'accueil dans des pays très pauvres, en général dominés par des régimes autoritaires, bon, à l'exception des pays du Golfe, de migrants ou de réfugiés, de demandeurs d'asile, eux-mêmes très pauvres. Mais qu'il s'agisse des camps de l'Est du Soudan, donc à la frontière érythréo-soudanaise, des quartiers des villes saoudiennes ou libanaises ou irakiennes où sont les Érythréens, des villages de la côte yéménite, notamment au sud de la côte yéménite sur la mer Rouge, et au niveau de la petite pointe qui s'appelle le détroit de Bab el-Mandab. Eh bien, dans tous ces lieux, des communautés de réfugiés se sont formées au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Au Soudan, les Érythréens vivent dans les quartiers populaires de Khartoum, de Port-Soudan, de Kassala ou de Guédaref, qui sont des villes à l'est du pays. Ils sont aussi installés dans des camps organisés par l'État soudanais en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés et d'autres organisations humanitaires internationales, ou dans des campements informels à proximité des villages et des villes. Au Yémen, les Érythréens s'installent dans les villages sur les côtes de la mer Rouge et dans les grandes villes du pays, en bénéficiant de liens migratoires préexistants, avec un minimum ou pas du tout d'aide humanitaire, sinon celle de quelques associations de bienfaisance golfienne à partir des années 70. Et vous avez par exemple l'exemple du village de Al-Khoukha, qui est effectivement sur la côte de la mer Rouge, au sud de la région de la Tihama, qui est la région côtière yéménite. On parle donc ici, je le rappelle, d'exilés extrêmement démunis dans des pays plutôt pauvres. Néanmoins, ces populations se sédentarisent pour une partie, mais elles constituent aussi une diaspora très active, très politisée et très mobile. Les allers et retours, par exemple, à travers la frontière soudano-érythréenne ou éthiopio-érythréenne sont fréquents. Les itinéraires des exilés sont multiples, du micro-local à la plus grande amplitude géographique à l'intérieur de la région. Et on peut aussi analyser, d'une certaine façon, les différents sites d'installation des Érythréens que je mentionnais précédemment, camps, villages, quartiers. comme des espaces sociaux transnationaux qui sont à la fois pluralistes et évolutifs et qui assurent aux individus des relais dans l'ensemble de la région et permettent ce type de circulation d'ampleur. La situation, en revanche, change à partir des années 90, avec la fin de la guerre de libération et l'indépendance du pays qui est acquise en 1991. Le soutien des États arabes s'amoindrit, enfin, il s'amoindrit à la suite de la faillite, on peut dire rapidement, du panarabisme, mais aussi des choix diplomatiques de l'Érythrée indépendante qui, par exemple, choisit de nouer des partenariats militaires avec Israël, ce qui n'est pas une très bonne idée quand on est associé à la Ligue arabe. À partir de 1991, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est un des opérateurs de gestion de l'exil érythréen, notamment au Soudan, commence à négocier la fin de la protection prima facie, c'est-à-dire de l'octroi d'un statut de réfugié en masse et sans examen individuel aux réfugiés érythréens, aux exilés érythréens, puisque, d'après le HCR, les causes de l'exil ont disparu, l'Érythrée est indépendante. C'est donc une clause de cessation qui est promulguée en décembre 2002 et qui met fin donc à l'octroi automatique du statut de réfugié aux Érythréens. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, les campagnes de rapatriement volontaires se multiplient. Ce sont environ 200 000 réfugiés érythréens qui sont rentrés, par exemple, du Soudan en Érythrée après des périodes d'exil longues, parfois de 30 ans, et parfois même une vie intégralement passée à l'extérieur de la mère patrie, entre guillemets, bien entendu. Le rapatriement, il faut le rappeler, est en effet pour le Haut Commissariat la solution naturelle au problème de l'exil, et ce à l'échelle globale. Si on pense au sacro-saint triptyque des solutions durables proposées par l'agence à ce problème de l'exil, on sait qu'il y a le rapatriement, l'intégration locale et la réinstallation. Or, c'est bien évidemment le rapatriement qui est privilégié, puisque l'exil est conceptualisé comme une situation temporaire, exceptionnelle et surtout une situation réversible. On constate au cours des années 2000 que nombre de ces rapatriements volontaires, entre guillemets, sont en réalité suivis de réémigration. La situation des Érythréens est en effet critique, tant économiquement que politiquement. La dictature d'Isaias Afewerki, donc un ancien leader du Front populaire de libération qui a été promu à la chef de l'État après l'indépendance, se renforce, notamment à la faveur d'un nouveau conflit avec l'Éthiopie en 98, le régime s'enfonce dans l'autoritarisme, la militarisation de la société et la répression brutale de toute forme d'opposition ou de désobéissance aux injonctions souvent contradictoires et changeantes du régime. L'imposition d'un service militaire obligatoire à durée indéterminée, fait de travail forcé et de violence, génère notamment le départ des jeunes hommes et des jeunes femmes qui refusent de s'y soumettre et s'enfuient de ce qu'on appelle Sawa, c'est-à-dire à la fois le lieu de la conscription et l'idée même de service militaire. L'exil reprend donc de plus belle au début des années 2000, vers le Soudan à nouveau, mais aussi vers l'Éthiopie et vers l'ensemble de la région. Si on revient à cette diapositive qui représente en fait une enquête que j'ai menée en 2005-2006 et prolongée en 2012 et 2013, on voit que après 2002 et la clause de cessation, en fait les réfugiés restent au Soudan ou y reviennent. Mais une chose a définitivement changé, c'est que pour obtenir une carte de réfugié, ils doivent passer par une procédure individuelle de demande d'asile qu'on appelle RSD en anglais, donc Refugee Status Determination. Et le HCR, bien sûr, envisage cette procédure comme extrêmement limitée au départ, puisque les Érythréens ne sont plus des réfugiés a priori. Le problème, c'est qu'en 2002, au moment de la clause de cessation, les anciens réfugiés et nouveaux arrivants affluent en masse dans les centres de filtrage ou screening qui sont gérés par l'administration soudanaise et le HCR. Ces centres sont de fait submergés entre 2002 et 2004, que ce soit à Khartoum ou dans l'est du Soudan. Et en février 2004, le HCR doit renoncer au programme d'enregistrement des demandes individuelles sous la pression démographique des réfugiés eux-mêmes. L'agence est en quelque sorte forcée de prolonger la protection juridique qu'elle a accordée aux réfugiés, aux Érythréens, sous un statut ad hoc. C'est à ce moment-là qu'est créé ce statut, que, par ailleurs pour lequel j'ai une sorte d'affection théorique, qui est celui de « Former Eritrean Refugee ». Donc, la catégorie de former Eritrean refugees, anciens réfugiés érythréens, est créée à ce moment-là et elle apparaît dans des briefing notes et dans le discours des administrateurs du HCR, aussi ceux que j'ai pu rencontrer qui ont reconstruit cette espèce de généalogie catégorielle pour moi, pour décrire la situation des Érythréens au Soudan, de ceux qui ne sont pas rentrés, de ceux qui sont revenus. Donc, il s'agit d'une sorte de statut par provision ou d'un statut provisoire, donc c'est pas très cartésien, comme la morale pas provision, mais qui permet de répondre à une situation de fait, mais sans correspondre au cadre légal d'action du Haut Commissariat aux réfugiés. En matière d'assistance, c'est-à-dire des programmes d'aide directe, ça je parlais de la protection, l'intégration locale devient l'option privilégiée pour les réfugiés avec tout un tas de programmes favorisant l'autonomie économique. En 2005, la situation est la suivante. Il y a encore, entre guillemets, 500 000 exilés érythréens dans l'ensemble du Moyen-Orient d'après l'UHCR, mais les chiffres sont tout à fait différents quand on demande au gouvernement soudanais combien de réfugiés érythréens sont sur son sol, puisque déjà le gouvernement soudanais, rien qu'au Soudan, compte 540 000 érythréens entre 2002 et 2004. Néanmoins, en 2007, le haut-commissaire Antonio Guterres parle des réfugiés érythréens restés ou retournés au Soudan comme du « forgotten people ». Néanmoins, on voit qu'il y a un maintien de la protection et de l'assistance, mais ce maintien est précaire ou précarisé, et le haut-commissariat menace en permanence de retirer l'une et l'autre, c'est-à-dire la protection et l'assistance, sous des formulations tout à fait technocratiques de « phasing out » ou de « désengagement ». Et ce retrait potentiel, de plus en plus actuel, est justifié par la difficulté de lever des fonds pour financer une vieille histoire. Cette vieille histoire de l'asile, de l'exode érythréen qui n'attire plus vraiment la compassion des donateurs internationaux. La séquence historique qui nous suit et qui clôt cette longue, trop longue histoire, nous est plus familière et elle entre curieusement et un peu dramatiquement en résonance avec ce que nous avons connu en Méditerranée ces dernières années. Au cours des années 2000, l'exode se poursuit donc, et notamment à travers le golfe d'Aden, donc qui sépare la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Et les traversées qu'on y observe sont tout aussi périlleuses et mortelles que celles qu'on observe aujourd'hui en Méditerranée. Les Érythréens se mêlent aux Éthiopiens et aux Somaliens pour rejoindre le Yémen et à travers le Yémen les pays du Golfe. Les trajets sont opérés largement par des réseaux de passeurs intégrés à une économie du passage largement criminelle qui s'articule à l'échelle régionale entre la Corne de l'Afrique, la péninsule arabique mais qui rejoint aussi le Kenya et l'Afrique centrale. La politique internationale dans la Corne de l'Afrique change aussi au début des années 2000. L'aide humanitaire et l'aide au développement qui avaient été déployées au début des années 90, notamment au moment de l'effondrement de l'État somalien, s'affaiblit au profit d'une approche purement sécuritaire de la gestion des populations dans la Corne, qui met la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la piraterie et la contrebande sur le même plan que la lutte contre l'émigration, qui la classe dans les premières priorités de financement des programmes d'aide internationaux et de développement internationaux. La Corne de l'Afrique devient ainsi, pour les acteurs de la politique américaine, britannique et française que j'ai pu rencontrer à Nairobi ou à Sanaa, en fait la corne de la terreur, et la migration se fond dans un ensemble de menaces identifiées dans la région. Et face à ce durcissement, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui reste l'opérateur de la protection et de l'assistance des personnes déplacées, fait émerger, à travers à nouveau des briefing notes, un concept pour lequel j'ai tout autant d'affection que celui de Former Eritrean Refugees, qui est celui de migration mixte. Donc il émerge d'abord dans le vocabulaire des agents de protection du HCR et de l'OIM et d'un certain nombre d'organisations internationales, et sert à définir un cadre de prise en charge opérationnel et non pas juridique, de flux que l'on ne peut pas facilement qualifier dans cet espace spécifique qu'est le golfe d'Aden. Les flux mixtes, vous connaissez peut-être cette terminologie, concernent toutes les populations qui s'exilent d'une zone de crise dans des situations de vulnérabilité sans préjuger de leur statut. En d'autres termes, ce que les médias ou les gouvernements européens appellent aujourd'hui des clandestins ou des migrants irréguliers. En 2007, le HCR propose un plan d'action en 10 points pour permettre la prise en charge des populations qui traversent le golfe d'Aden. Et la légitimité de cette prise en charge, qui implique de donner à ces personnes en situation en fait d'irrégularité, assistance et protection, est extrêmement contestée. Et les conditions de financement des programmes opérés par le HCR sont draconiennes. Il s'agit que l'aide prodiguée reste exclusivement locale et le soutien des pays développés à ces programmes est conditionné au fait que les programmes soient localisés en Somalie, au Kenya ou au Yémen et empêchent le transit vers les pays européen. La circulation devient de fait de plus en plus difficile pour les Érythréens, à un moment où les pays du Golfe eux-mêmes ferment leurs frontières à l'immigration africaine, mais aussi à l'immigration yéménite, qui est une source d'immigration vers les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, extrêmement importante. Et cette fermeture progressive de la filière d'immigration vers les pays riches du Golfe va être encore accentuée à partir de 2011, avec des mesures d'expulsion extrêmement brutales qui ont été prises, surtout en Arabie Saoudite, mais aussi dans d'autres monarchies du Golfe, contre les migrants yéménites et les migrants de la Corne de l'Afrique, éthiopiens, érythréens, somaliens et djiboutiens. C'est un moment aussi, pour ne rien gâcher ce tableau joyeux de la région, où la situation politique se dégrade au Yémen, avec le début de la guerre civile dans le nord du pays en 2004, et la décomposition politique qui succède à un printemps arabe prometteur et néanmoins avorté à partir de 2011. La population yéménite elle-même est déplacée par la violence à l'intérieur de son propre pays, et les réfugiés africains en général, érythréens en particulier, se retrouvent littéralement coincés au Yémen. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire de la situation contemporaine, on a vu qu'une question presque exclusivement arabe ou africaine traitée dans le Sud par les pays du Sud et par des organisations internationales, au premier rang desquelles le HCR, s'est invitée à l'agenda des politiques d'asile européennes, de ces politiques migratoires, des politiques de voisinage et de la diplomatie. Tant et si bien qu'on voit en novembre 2014, l'Union européenne entrer dans ce qu'elle appelle le processus de Khartoum, autrement aussi appelé le EU Horn of Africa Migration Route Initiative. Et donc il s'agit pour l'Union de s'associer avec Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et la Tunisie pour tenter d'empêcher les migrations irrégulières en invoquant la protection des droits des réfugiés, des migrants, la lutte contre les trafics d'êtres humains, le développement des régions d'origine, de transit des migrants. Il s'agit en réalité, un peu comme depuis 2000 et les accords de Cotonou, de déléguer aux pays de transit ou d'origine des migrants la gestion de la migration, ou plutôt l'interdiction de migrer, qui est bien sûr, on le sait, contradictoire avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui inscrit dans son texte le droit de quitter son pays. Donc, les leçons de choses que l'on peut rapidement tirer de cette histoire, encore une fois, trop longue. Elles sont trois. La première est que l'histoire érythréenne nous confirme que l'exode et l'asile sont des phénomènes sociaux pluriels dans leur cause et dans leur manifestation. On l'a vu à travers les documents que j'ai présentés, la migration elle-même est un phénomène pluriel. Si on regarde l'articulation à l'échelle globale de différents champs migratoires, au sens de migration essentiellement économique, on voit qu'on a des champs qui s'entrelacent. Et donc ces récits individuels, en fait, constituent ces grandes dynamiques globales. Bien sûr, on n'oublie pas les champs migratoires qui correspondent aux migrations forcées en Asie centrale, dans la Corne de l'Afrique, au Proche-Orient, donc incluant les Palestiniens, etc., mais aussi en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et on voit ici un peu la complexité de cette articulation entre le particulier et le systémique. Et bien sûr, dans ces différents champs migratoires, le seul qui est à l'esprit des dirigeants européens, c'est celui qui articule la Corne de l'Afrique avec les migrations vers l'Europe. Or, on sait aussi que les distinctions, on va dire, de jure entretenues entre le migrant économique et le réfugié sont très artificielles lorsqu'on regarde les parcours biographiques des personnes concernées. La distinction, par exemple, entre migrant et réfugié, vous l'avez vu dans le cadre du Moyen-Orient, n'a pas vraiment de sens. Elle désigne les mêmes personnes, c'est une histoire d'opportunité juridique, on va dire. Mais elle a une fonction analytique et surtout politique. Elle permet d'effectuer un triage entre les personnes qui bougent pour les gérer de manière différenciée en fonction de dispositifs politiques locaux et internationaux. Il s'agit bien entendu de catégories qui n'ont de sens empirique et ethnographique qu'à condition d'être considérées comme des construits politiques et sociaux et de s'intéresser à leurs conditions de production et leur historicité. Les deux dernières leçons sont mieux connues, les leçons de cette histoire. La seconde, c'est que l'exode et l'asile sont des phénomènes massivement ancrés dans les pays du Sud. Ça a été dit à de multiples de reprises au cours de ce colloque, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais juste vous rappeler un chiffre. 86% des déplacés par la violence sont dans des pays du Sud. Donc définitivement, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne sont pas en Europe. Ils ne sont pas en Amérique du Nord. Ils sont au Soudan, ils sont en Iran, ils sont en Afghanistan. Ils sont dans leur région d'origine, voire dans leur pays d'origine. Et ceci n'est pas seulement, en termes politiques, n'est pas seulement un état de fait, parce que le réfugié ayant peu de ressources ne peut pas aller bien loin. C'est aussi le produit d'une volonté politique, de la structuration de la politique internationale de l'asile depuis 1951, le fait que le HCR a été chargé de s'occuper exclusivement des migrants, enfin des déplacés par la force dans les pays du Sud, alors que les pays développés s'occupaient de manière bilatérale et en toute souveraineté leurs réfugiés politiques. On peut penser à la guerre froide, par exemple. Le HCR ne s'est jamais occupé des dissidents soviétiques. C'est le US Escape Program qui s'en chargeait. Donc là, il y a une distinction très forte, Nord-Sud et le rôle du HCR. Et c'est bien sûr ce qu'on retrouve dans la politique d'externalisation des frontières de l'Europe. Et le dernier point, celui sur lequel je m'arrêterai, bien sûr, c'est le fait que l'exode et l'asile, on l'a vu, sont des phénomènes durables qui nécessitent des solutions durable et certainement pas, comme on l'a vu, l'encampement et la création de camps qui sont des solutions non durables. Donc, lorsque la mairie de Paris propose la création de camps, on peut que s'interroger sur une sorte de contresens anachronique que font les autorités de la ville. C'était Hélène Thiollet, Exodes et politiques d'asile, le cas érythréen, le 14 octobre 2016. Et tout de suite, nous retrouvons au Collège de France, Daniel Lochac, protégé, refoulé, le droit d'asile à l'épreuve des politiques migratoires. Depuis, je dirais, le milieu des années 90, les États européens, totalement obsédés par le risque migratoire, avec des guillemets, mettent toute leur énergie à tenir à distance les flux de migrants et de réfugiés, tous confondus, et à leur interdire l'accès à leur territoire. Cette tendance a été poussée, on le sait, à son paroxysme au moment de la, comme diraient les Allemands, « sogenannte », c'est-à-dire ainsi appelée crise migratoire de 2015, face à l'afflux de réfugiés, au point que plusieurs observateurs ont cru pouvoir et même devoir faire le parallèle avec l'attitude qui fut celle des États dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale à l'égard des Juifs fuyant le nazisme. On entend déjà les cris de ceux qui vont crier à l'amalgame illégitime qui martèle qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable et que on ne saurait toujours tout ramener au nazisme et à l'extermination des Juifs. Mais entre 1933 et 1940, personne ne pouvait imaginer la solution finale. Les Juifs, à l'époque, sont persécutés, privés de droits, spoliés, ruinés, humiliés, bannis de la société, poussés à fuir, parfois physiquement agressés, rarement tués et surtout pas exterminés. Alors ici, je me permets une petite parenthèse. Il faut être d'autant plus clair à ce propos qu'avant-hier encore, on a entendu pousser des cris d'indignation. Mais le parallèle entre hier et aujourd'hui n'a rien de scabreux. Guy Sorman lui-même invitait instamment à le faire dans une tribune publiée l'an dernier sous le titre « Les réfugiés d'aujourd'hui ». Les réfugiés d'aujourd'hui me rappellent mon père fuyant le nazisme. Il faut le faire, disait-il, pour éveiller les consciences anesthésiées. Mais indépendamment de ce devoir de vigilance morale, le parallèle s'impose objectivement tant les analogies sautent aux yeux. Je les énumère. La fermeture de plus en plus hermétique des frontières à mesure que la persécution s'aggrave et que les flux d'exilés augmentent. Les réfugiés obligés d'embarquer clandestinement sur des bateaux de fortune avec l'espoir souvent déçus qu'on les laissera débarquer quelque part. À l'époque, c'était Cuba, Alexandrie, Shanghai. l'invocation de la situation économique et de l'état de l'opinion en guise de justification. Le fantasme hier de la troisième colonne, agitateur communiste, espion nazi, aujourd'hui de la menace terroriste. Et finalement, une diplomatie qui n'hésite pas à pactiser avec les pires dictatures, hier pour tenter de sauver la paix, on sait ce qu'il en est advenu, aujourd'hui pour endiguer les flux de réfugiés. Si l'évocation du passé résonne donc étrangement, au point d'avoir le sentiment que l'histoire bégaye, on peut malgré tout s'en étonner. Car entre les années 30 et aujourd'hui, une mutation fondamentale s'est produite. À savoir qu'on a décidé de placer les droits de l'homme en général, et le droit d'asile en particulier, sous la protection de la communauté internationale. Et donc si les États étaient libres hier d'agir à leur guise, aussi immorales que nous paraissent rétrospectivement leur attitude, ils sont aujourd'hui théoriquement tenus par les obligations qu'ils ont souscrites, en signant notamment la Convention de Genève. Donc on arrive au début du XXe siècle avec la figure dominante du réfugié qui n'a plus rien à voir avec celle de l'étranger banni de sa patrie pour la cause de la liberté selon la formule de la Constitution montagnarde. On n'a plus affaire à quelques centaines d'individus exilés, proscrits en raison de leurs convictions auxquelles les gouvernements décident au cas par cas d'accorder ou non l'asile en fonction de considérations diplomatiques et politiques. Ce sont désormais des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui fuient les guerres civiles, les dictatures, les persécutions. Le changement est radical pour trois raisons. La première, c'est celle que Hannah Arendt a relevée dans un passage célèbre de l'impérialisme, puisque ces persécutés, dit-il, ne sont plus seulement ni même principalement à cause de ce qu'ils ont fait ou pensé, mais parce qu'ils sont nés pour toujours dans la mauvaise catégorie de race ou de classe. Deuxième raison, ils fuient en masse, de sorte que la pratique traditionnelle de l'asile offert à titre exceptionnel et individuellement n'est plus adaptée. Enfin, parce que le phénomène se produit alors que les États édictent des restrictions de plus en plus sévères pour accéder à leur territoire. Et les risques de déstabilisation qui résultent pour les pays qui les accueillent de ces flux, de ces masses de réfugiés, amènent la communauté internationale, à l'issue de la Première Guerre mondiale, à se saisir de la question. Donc il y a toute une série. Alors la première mesure d'urgence, vous la connaissez, c'est le fameux passeport Nansen qui confère aux réfugiés un minimum d'existence juridique pour voir à quel point c'est important. Relisez Les exilés de Erich Maria Remarque, c'est tout à fait intéressant. La mesure est entérinée par ce qu'on appelle un arrangement en 1922, uniquement pour les réfugiés russes, et puis ensuite les Arméniens, puis les Assyro-Caldéréens, et plus tard, en 1936, il y aura encore un arrangement sur les réfugiés venant d'Allemagne. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. Je vous dirais simplement que ces arrangements, leur nom est d'ailleurs significatif, sont de simples recommandations sans aucune valeur contraignante. Ils sont voulus comme ça. Et lorsque la situation économique se dégrade, les États n'hésitent pas à refouler, expulser ces réfugiés considérés comme un fardeau. Il y a bien une convention de 1933 sur les réfugiés qui est censée être un peu plus contraignante, mais elle sera signée par 8 États pour vous dire qu'elle n'aura aucun impact. Par conséquent, chaque État reste libre d'agir à sa guise et la compassion humanitaire masque mal ici la prévalence des intérêts étatiques. Alors il faut à ce moment-là, ici, juste dire un petit mot de l'approche qui prévaut dans l'entre-deux-guerres, dans la question des réfugiés. Elle est à la fois collective, sectorielle et ponctuelle. Collective et sectorielle parce qu'on raisonne en termes de groupe. L'appartenance à l'un de ces groupes est une condition nécessaire et suffisante pour être reconnu réfugié. Ponctuelle, car on tente de résoudre les problèmes au coup par coup, jamais globalement. Et cette approche a au moins un avantage, c'est que les États ne s'engagent que par rapport à des catégories déterminées de personnes définies à l'avance. Ils savent, il y a les réfugiés russes, il y a les réfugiés arméniens, etc. Et cet enjeu va être crucial au moment de l'élaboration de la Convention de Genève, de savoir à quoi on s'engage. Certains défendaient le projet ambitieux d'un instrument de protection internationale des réfugiés véritablement universel, applicable, sans considération de temps ni de lieu, à toute personne fuyant les persécutions. Mais bien sûr, les États ont trop peur de s'engager sans savoir. Et finalement, si la Convention opte pour une définition générale et synthétique, c'est avec beaucoup de garde-fous qui limite fortement son universalisme apparent. Donc on l'a redit, le réfugié, c'est la personne qui craint avec raison d'être persécutée en raison de, et suit une énumération qui dit qu'il y a quand même ici des groupes qui réapparaissent, mais peu importe. Et on passe donc d'une conception collective et sectorielle à une conception individualiste et universaliste en phase avec la conception véhiculée par la Déclaration universelle de 1948. Alors, individualiste, on l'a dit, hein, puisque il faut, elle s'applique potentiellement à tout réfugié, mais celui-là, du coup, devra montrer qu'il craint avec raison. Et craindre avec raison, subjectif, objectif, eh bien, on voit bien, mais ça a été dit, que c'est là, le ver est dans le fruit, car quand on voudra restreindre, eh bien, on prétendra que la personne n'a pas établi qu'elle craignait avec raison d'être persécutée. Question donc épineuse et qui se révélera diabolique. Et puis, double limitation dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. On est réfugié si les persécutions ou les craintes de persécution ont un rapport avec des événements qui se sont passés en Europe avant 1951. Et donc, là aussi, on l'a dit, c'est typiquement la guerre froide. L'universalisme apparaît en fait un peu comme un leurre. La question des réfugiés n'est pas appréhendée in abstracto, mais par rapport à un contexte politique. Et donc, on voit bien qu'ici, sous le droit, pointe à chaque fois la politique. Alors, ce que je voudrais maintenant montrer, c'est comment ces faux-semblants du droit d'asile vont amener, des années plus tard, celle que nous vivons, à sa faillite. Universalisme de façade. Alors, le protocole de New York de 1967 lève les restrictions géographiques et temporelles, et donc on est dans une définition véritablement universelle. Et sans doute, si ce protocole a été adopté et ratifié, c'est parce que les États, en 1967, pensaient que c'était fini, le problème des réfugiés. Mais malheureusement pour eux, si j'ose dire, enfin pour les réfugiés aussi, eh bien, c'est dans les années 80 et 90 que de nouveau le phénomène des réfugiés va renaître de façon massive, et cette fois-ci dans les régions, ça a été dit, les plus déshéritées de la planète, et les États vont n'avoir de cesse que de chercher par tout moyen à endiguer ces flux et à s'affranchir au maximum des obligations de la Convention de Genève. Et alors on va parler ici à un moment donné, dans les années 90, déjà d'une crise du droit d'asile, sauf que la crise, le mot, il est ambivalent et ambigu. Pour les gouvernements, il y a crise. D'abord parce que les mécanismes destinés à l'examen individuel des demandes est saturé, mais surtout parce qu'on parle, SIC, de la baisse de la qualité de la demande. Autrement dit, c'est plus des vrais réfugiés, c'est des réfugiés économiques, ce sont des gens qui essayent, parce que ça coïncide avec l'arrêt de l'immigration d'une façon générale, donc ce sont des gens qui essayent de tourner les restrictions à l'immigration en se réclamant abusivement de la Convention de Genève. Pour les défenseurs du droit d'asile, ben la crise, elle réside dans le fait que la réaction des États occidentaux aboutit à restreindre considérablement la portée du droit d'asile et à la réduire à très peu de choses. On voit bien ici, donc, qu'il y a ces limites de fait à l'universalité de la Convention de Genève. On l'appliquait sans aucun problème aux Hongrois, aux Polonais, etc. Mais désormais, on ne l'applique plus. L'origine des demandeurs a changé. Différences culturelles, pour dire les choses de façon politiquement correcte. En fait, bon, ils sont pas blancs, ils sont pas toujours blancs, ils sont pas toujours catholiques. Bon, voilà. Ensuite, le fait qu'ils viennent de pays pauvres fait que c'est facile de dire « mais regardez, ils fuient la misère et ils fuient pas l'oppression ni les persécutions ». En général, ils fuient souvent un mixte des deux. Et puis, encore une fois, la politique de maîtrise des flux migratoires fait qu'on n'a vraiment pas envie d'accueillir des gens. Et puis, en plus, il n'y a plus d'enjeux politiques. Il n'y a plus d'enjeux politiques. Les derniers pour lesquels l'enjeu politique a marché, c'était pour les boat people, et encore les premiers, parce que ceux qui sont arrivés plus tard, ceux qui sont arrivés au moment de Kouchner et autres, les autres, ceux qui sont arrivés plus tard, de nouveau, on leur a dit, vous n'êtes pas des réfugiés politiques, en fait, vous fuyez les problèmes économiques du Vietnam, qui étaient d'ailleurs réels. Alors, stratégie de contournement de la Convention de Genève. En 1933, le ministre de l'Intérieur britannique répondait aux Juifs qui lui disaient ben, « on voudrait bien venir », nous n'admettons pas qu'il puisse y avoir un droit d'asile. Et lorsque nous devons décider s'il convient d'accueillir chez nous tel ou tel réfugié, nous devons nous demander si c'est l'intérêt de notre, de notre pays. Bon, realpolitik, c'est horrible, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est pas contraire au droit international. Aujourd'hui, le contexte a changé. Et donc, les États qui hésitent à violer de front leurs obligations cherchent à les contourner jusqu'à vider de substance la Convention de Genève. Alors, pour comprendre comment les États ont réussi ce tour de force, s'affranchir des obligations de la Convention de Genève en faisant mine de ne pas la violer, il faut rappeler ce point capital. Au regard du droit international, aucun État n'est tenu d'accepter l'entrée et la présence sur son territoire d'un individu qui n'est pas son national, et ce principe ne cède pas quand est en jeu le droit d'asile. La Déclaration universelle de 1948 proclame très gentiment que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. C'est sympa, c'est gentil, mais il n'y a pas l'obligation corrélative pour les États d'accueillir les demandeurs d'asile. Donc il y a un droit de demander l'asile, mais certainement pas un droit à l'asile. Quant à la Convention de Genève, c'est pareil. Elle n'oblige pas les États à accueillir les réfugiés. Elle contient uniquement un principe de non-refoulement. Ce principe de non-refoulement fait obstacle à ce qu'un réfugié soit renvoyé non seulement vers son pays d'origine, mais également vers tout autre pays où il risquerait à son tour d'être renvoyé vers son pays d'origine, vers le pays de persécution. Le demandeur d'asile doit, alors ça on l'a oublié, y compris le directeur de l'OFPRA semble l'avoir oublié, que le demandeur, quand il nous a dit les demandeurs d'asile, il ne faut pas confondre les demandeurs d'asile et les réfugiés, donc les demandeurs d'asile, si sont maltraités, ben, ce n'est pas ma faute, le demandeur d'asile doit bénéficier de cette protection avant même d'avoir été reconnu réfugié, jusqu'à ce qu'éventuellement on lui refuse le statut, en raison du caractère recognitif de la qualité de réfugié recognitif en droit. Ça veut dire que vous reconnaissez une qualité et c'est pas vous qui la créez. C'est pas l'OFPRA qui crée le réfugié, elle se borne à le reconnaître. Bon, c'est très théorique aujourd'hui, hein. Enfin bon. Et par conséquent, la personne qui se présente aux autorités d'un État et demande protection ne peut pas être refoulée avant que sa demande ait été examinée. C'est le minimum qu'exige la Convention de Genève. Et on comprend, dans ces conditions, l'énergie dépensée par les États pour stopper les flux de réfugiés en amont de leurs frontières. On comprend aussi la raison d'être de notions comme celle de pays d'origine sûr, pays tiers sûr, demande manifestement infondée, qui vont permettre le renvoi sans examen ou après un examen superficiel des demandes, des réfugiés, pardon, de ceux à qui on va dire « mais finalement, vous n'êtes pas réfugié, donc on peut vous refouler ». Cette stratégie de contournement de la Convention de Genève comporte plusieurs volets, une politique restrictive de reconnaissance du statut, la multiplication des obstacles visant à empêcher l'arrivée des réfugiés aux frontières de l'Europe, ce qui évite d'avoir à les refouler, la délocalisation de la protection et finalement, en tant qu'élément et condition d'efficacité de cette stratégie, l'externalisation de la politique d'asile, ce que je devrais réussir à vous expliquer dans les 12 minutes qui me restent. Donc on voit bien comment il y a ici un objectif finalement de dissuasion, la baisse, les exigences de preuves de plus en plus sévères font que le taux plus les fameuses, la fameuse notion de pays de premier asile. Vous auriez pu demander l'asile ailleurs, donc on ne vous reconnaît pas la qualité de réfugié. Vous venez d'un pays tiers, vous avez transité par un pays tiers sûr, retournez dans ce pays tiers sûr. Asile interne, c'est encore pire, il y a dans votre pays des endroits où vous pourriez vivre sans risque, donc vous n'êtes pas protégé par la Convention de Genève. Toutes ces notions, je n'ai pas le temps d'y insister, mais sont dans le fameux RAEC, ce qui veut dire régime d'asile européen commun, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la politique d'asile est commune à tous les États membres. Et avec tout ça, le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui était dans les 90% quand c'était des Hongrois et des Polonais, et a chuté énormément, je n'y reviens pas, ça a été dit et redit, et s'il a remonté le taux, c'est qu'ils ont fait des efforts, je ne le nie pas, c'est probable, pour essayer quand même d'être un peu plus présentable en France, mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de Syriens, et les Syriens, ils obtiennent quasiment automatiquement aujourd'hui, alors soit l'asile, attention, soit la protection de la Convention de Genève, soit plus souvent la protection subsidiaire, qui, elle, est beaucoup moins protectrice. Mais ce qu'on constate, c'est que ici, les différences de traitement entre les nationalités qu'on a évoquées, c'est pas seulement par rapport aux preuves de crainte de persécution, c'est aussi des considérations politiques et diplomatiques qui pèsent plus lourd que l'appréciation objective des risques de persécution encourus. Si la nationalité la plus favorisée, alors je mets beaucoup de guillemets, vous allez voir pourquoi aussi, sont les Syriens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'avantage de fuir un régime qui est mis au banc de la communauté internationale. Mais alors le problème, et j'en viens au deuxième obstacle, c'est que pour bénéficier de ce préjugé favorable, avec beaucoup de guillemets, il va falloir qu'ils aient réussi à franchir les obstacles qu'on a placés sur leur route, comme à tous les autres réfugiés. Ici, pas de régime de faveur pour les Syriens. Alors, les obstacles à l'accès au territoire de l'Union européenne, je suis obligée, évidemment, de les mentionner de façon un peu rapide. Il y a des obstacles juridiques et matériels. Une politique des visas, donc obstacle juridique extrêmement restrictive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, un réfugié n'a pas besoin de passeport, il n'a pas besoin de visa. Ça, la Convention de Genève le dit. On ne peut pas refuser quelqu'un qui se présente à la frontière sans ses papiers s'il est réfugié ou s'il se présente en disant « je demande à bénéficier d'une protection internationale ». Bon, déjà, ils ne peuvent pas avoir de passeport la plupart du temps, donc sans passeport, pas de visa. Bon, j'ai pas le temps de parler du visa de transit aéroportuaire, qui est vraiment quelque chose de diabolique, mais bon, j'ai pas le temps. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que vous puissiez dire j'ai pas mes papiers, il faut que vous arriviez à la frontière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les compagnies aériennes, ou maritimes, enfin aériennes, elles ont l'obligation, sous peine de sanctions extrêmement élevées, 5 000 € en France par personne, amenés aux frontières de l'Europe, ou ici à Roissy, sans les papiers nécessaires. Donc c'est elles qui font la police et qui n'autorisent pas à monter dans les avions les personnes qui n'ont pas les documents. Donc les réfugiés en ont encore moins que les autres. Et donc, à partir du moment où on leur bloque les voies légales d'accès à l'Europe, eh bien, à tous les migrants, demandeurs d'asile inclus, on ne fait pas la différence, eh bien, les États les contraignent à emprunter des voies illégales infiniment plus dangereuses, à recourir à des passeurs dont les tarifs augmentent à mesure que la demande s'accroît. Mais ces routes migratoires, elles sont elles-mêmes étroitement surveillées pour faire obstacle aux entrées illégales. Et c'est la fameuse agence Frontex, créée en 2004, dont on vient de renforcer les moyens en la rebaptisant Corps européen de garde-frontières, c'est, vous le savez, la figure emblématique et l'instrument par excellence de la politique dite de gestion des frontières extérieures. Donc, son rôle est d'abord dissuasif par la présence de ses navires, de ses avions, de ses outils technologiques avancés. Mais dissuasif, ça veut dire qu'elle oblige les migrants à modifier leur trajectoire migratoire en prenant plus de risques pour échapper au contrôle, ou alors à emprunter d'autres routes tout aussi dangereuses, à savoir les déserts, les montagnes, et à se retrouver d'ailleurs dans les camps libyens où, vous avez sans doute vu les reportages, la situation est quand même assez dramatique. Donc dissuasif, ça ne veut rien dire, ça ne dissuade pas les gens de prendre la route, ça les oblige simplement à risquer encore plus leur vie. Les conséquences meurtrières de cette politique sont bien connues, et je n'y insiste pas, puisqu'on l'a déjà dit, et de toute façon, vous le savez. Frontex, d'ailleurs, n'a pas seulement pour but de dissuader, ses interventions visent aussi à intercepter les navires soupçonnés de transporter des migrants clandestins qui peuvent à ce moment-là être refoulés vers le pays qu'ils cherchaient précisément à fuir. Et puis, l'externalisation. L'asile au risque de l'externalisation. Le mot externalisation, on l'utilise aujourd'hui, au départ c'était plutôt dans le vocabulaire des associations, mais qu'il est repris aujourd'hui de façon assez globale, il est très parlant. Ça vise d'une part à repousser toujours plus loin le cordon sanitaire destiné à protéger l'Europe des flux de demandeurs d'asile, d'autre part à reporter sur les États tiers la responsabilité de cette politique. Alors, accord de réadmission, on passe des accords de réadmission, soit l'Europe, soit les pays membres, avec des pays de transit en général ou des pays d'origine, qui vont, contre quelques avantages financiers ou économiques, s'obliger à reprendre les migrants, soit leurs nationaux, soit même ceux qui ont simplement transité par chez eux, lorsqu'ils sont pris en situation irrégulière en Europe. Et les pays en question sont loin, tant s'en faut, d'être des pays démocratiques. Et en plus, ces demandeurs d'asile, puisque parmi eux il y en a, n'ont aucune garantie que le pays vers lequel ils sont refoulés examinera leur demande. Autre élément de la stratégie de contournement de la Convention de Genève, la délocalisation de la protection. On a déjà relevé cette notion d'asile interne qui fait que finalement, on peut refuser la protection à quelqu'un qui est censé pouvoir trouver une protection dans son pays lui-même. Mais cette stratégie est surtout illustrée par les nombreuses propositions qui ont fleuri à partir des années 2000 visant à délocaliser dans les pays tiers les procédures d'examen des demandes d'asile ainsi que la protection des réfugiés, pays tiers du Sud en général. Et aucune de ces propositions ne s'était jusqu'à présent concrétisée, mais elles ont ressurgi dans le contexte de la crise migratoire actuelle, comme le montre le contenu de l'accord passé avec la Turquie en mars 2016, ou encore le processus de Khartoum, ce processus de Khartoum qui associe l'Europe avec tous ces pays très démocratiques, Érythrée, Éthiopie, Soudan, qui sont eux-mêmes pourvoyeurs de réfugiés et à qui on demande de bien vouloir stopper les flux de migrants. On a l'impression de marcher sur la tête. Il y a un prétexte. Le prétexte, c'est éviter aux réfugiés de risquer leur vie dans des traversées clandestines. Sauf que l'objectif ici est bien encore de maintenir les demandeurs d'asile à distance et de faire supporter le fardeau de l'asile aux pays tiers. Et finalement, cette délocalisation s'inscrit dans une évolution globale préoccupante à laquelle Hélène Thiollet a fait allusion. Tandis que la petite proportion de ceux qui peuvent se réclamer de la Convention de Genève se voit reconnaître au compte-gouttes le statut de réfugié dans les pays occidentaux, des millions d'autres, Afghans, Irakiens, Somaliens, Soudanais, Congolais, sont massivement concentrés au Moyen-Orient ou en Afrique, soit qu'ils aient trouvé refuge dans un pays voisin, soit qu'ils aient été contraints ou incités à rester dans leur propre pays, éventuellement sous la protection du HCR. Dans ce dernier cas, ils vont grossir le rang des déplacés internes, désormais plus nombreux que les réfugiés proprement dit, ce qui en dit long sur la dérive du système de Genève, puisque la condition pour être considéré comme réfugié est justement de se trouver en dehors de ce pays. Et donc les réfugiés qui peuplent ces camps d'Afrique ou d'Asie n'ont pas la moindre chance d'être un jour reconnus en Europe comme réfugiés. Alors en guise de conclusion, enfin tout quand même 2-3 minutes, on a beaucoup parlé de crise de l'hôpital. On a bien dit que ce n'était pas une crise des migrants pendant tout ce colloque, mais on a dit que c'est quand même une crise culturelle, une crise de l'hospitalité, une crise de l'accueil. Bon, moi, ça me fait quand même... Non, je crois pas. Il n'y a pas de crise de quoi que ce soit. Peut-être une crise de nos valeurs, puisque voilà. Mais sinon, je ne vois pas d'âge d'or où des pays aient gentiment accueilli des flux migratoires et des flux de réfugiés importants. Le seul moment où ils l'ont fait, c'est justement quand il y avait ces exilés, de ces individus qu'au cas par cas, on accueillait. Il y en avait 50, il y en avait 100, il y en avait 300, il y en avait peut-être 1000, mais c'est tout. Donc je crois que là, nous aussi, nous devrions éviter de parler de crise. En revanche, ça ne nous empêche pas de nous mobiliser pour que sur le plan politique, effectivement, l'opinion publique change un peu et puis peut-être que nos gouvernants qui se réfugient toujours derrière l'opinion publique, voilà. Mais ça sort un peu de l'épure de ma... de moi. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Daniel Lochac, Protégé, refoulé, le droit d'asile à l'épreuve des politiques migratoires le 14 octobre 2016. Et en première partie, vous avez écouté Hélène Thiollet, Exodes et politiques d'asile, le cas érythréen. Nous vous proposons de larges extraits des contributions du colloque Migration, réfugiés, exil. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion. Hélène Thiollet a coordonné un stimulant ouvrage collectif, Migrants, Migration, 50 questions pour vous faire votre opinion, chez Armand Collin en 2016. Daniel Lochec a publié Les droits de l'homme chez La Découverte en collection Repères en 2009. Réalisation Anne Sécheret, présentation Myril Moneghetti. Un grand merci à Boris Boutlerov. Demain, suite et fin du colloque avec Michel Agier sur l'hospitalité aujourd'hui et la conclusion de l'historien Patrick Boucheron. Et dans quelques instants, nous retrouvons Les Petits Matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.